Il faut que je lui laisse un message. Un message à la France. Il faut laisser une trace. Une trace.